Micro ouvert. 29 épisodes, 27 semaines, plus de 2h30 de monologue. Spectateurs ailés, lumière de ma vie, feu de mes reins, nous nous retrouvons face à face une dernière fois pour nous demander comment s'achève cette histoire. Rendez-vous quand ? Dimanche à 10h. Rendez-vous où ? Dimanche à 10h. Rendez-vous compte ? Dimanche à 10h. Rendez-vous vous ? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent, dimanche à 10h. Rendez-nous le temps, dimanche à 10h. Rendez-nous les gens, dimanche à 10h. On fait ça quand ? Dimanche à 10h. Notre histoire pourrait se clore avec éclat. Vous saisiriez un corps de chasse resplendissant pour faire retentir partout cette nouvelle, furieux cavalier de notre apocalypse. Nous sommes dimanche, il est 10h08, le zélé spectateur que vous êtes souffle comme un buffle. Il faut dire qu'il a descendu 4 à 4 les 6 étages de son immeuble. Il habite au 3e mais les a dévalés 2 fois parce qu'il avait oublié dans sa précipitation d'éteindre le gaz. Le voilà qui galope sur le trottoir. Il saisit le bras d'un jogger matinal. « Écoutez, c'est fini, dimanche à 10h, c'est... » Mais le sien camarade vous arrêtera net. « Encore vous ? C'était pas tant à la fin. Pourquoi me poursuivez-vous ainsi sans cesse ? Êtes-vous la mort, la solitude ou les impôts ? Je ne me laisserai pas faire. En garde !» Il dégainera un fleuret, habilement dissimulé dans sa chaussette de jogger. Ni une ni deux, votre lame fendra l'air, comme si vous étiez né pour ce moment. Et le duel commencera. Impitoyable, tragique, grandiose. Oh, vous aurez de l'allure. Après 4 feintes et 5 estocs, quand l'attroupement des badauds vous aura absolument encerclé et qu'ils entonneront en chœur de secrets hymnes guerriers, tandis que votre adversaire, gisant à terre, vous suppliera de lui laisser la vie sauve, vous lèverez votre voltigeuse compagne une dernière fois dans le soleil brûlant de juin et vous lui annoncerez la nouvelle. Dimanche à 10h, c'est fini. Puis, magnanime, vous le gracierez en hurlant « Ne suis-je pas plein de clémence ?» Cependant que votre écuyer vous amènera votre dragon favori, le glorieux Timoléon, pour partager cette importante information loin, très loin des frontières du Lot et Garonne. Au sol, on reste stupéfait. Alors, on bruisse, on caquette, et la rumeur enfle. Dimanche à 10h, c'est fini. Avez-vous entendu ? Fini ! Fini ! Et elle gonfle tant et si bien qu'elle devient un monstre de plus de 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est énorme. Vous imaginez un poulet de 1000 tonnes ? Eh bien voilà la taille de notre rumeur. C'est considérable, que dis-je, c'est absolument prodigieux. Jamais, de mémoire de femme, ma mère n'avait vu une si imposante rumeur. Que fallait-il faire ? On ne pouvait en rester là, sans quoi on risquait indubitablement l'écrasement et l'asphyxie. Et là, là ce serait la mort à tous les coups. Figurez-vous le carnage que craignaient les autorités. Un conciliabule fut donc convoqué. On vota pour le petit trou d'aiguille dans la rumeur, histoire de la faire dégonfler. On mandata pour l'occasion Brin d'Ours, la terrible chasseuse de primes. Elle accepta à une seule et unique condition, qu'on libère sur le champ son père Hector le Borgne du bagne de San Francisco, où il croupissait depuis 1963. L'affaire fut conclue. Ça y est, elle est là, elle approche dans le crépuscule au volant de sa Sim Camille. Le dernier rayon du soleil vient frapper l'aiguille d'or soudée à l'avant du véhicule en guise de bénédiction avant l'ultime combat. La foule au balcon retient son souffle. Et la rumeur lui fait face, terrible dans son manteau tabageur. Comment finira cette histoire ? D'une façon bien plus prosaïque à vrai dire, simple, presque banale. Pas de tambour, pas de combat, pas de déchirement non plus sur le quai d'une gare. Notre histoire se termine comme elle a commencé, face à face, un dimanche matin, à l'ombre du grand malentendu qui gouverne toute parole. Elle s'achève au coin d'un mot, à la lisière d'une phrase, quand vient le point final. Il arrive toujours un peu bêtement, et c'est peut-être mieux ainsi. 1, 2, 3, voilà. Ça marche. Ça fonctionne, comme on dit. Et je suis du côté de l'avenue Molière. Et je rencontre deux personnes ici, qui font partie du collectif Rue de la Régence. Voilà, j'ai trouvé ça sur le net. Et j'ai eu envie de rencontrer les personnes qui se disaient collectif. Donc je me disais, ah, il y a des gens. Il faut peut-être aussi préciser c'est quoi ce collectif. Ça disait, c'est un collectif de personnes interpellées le 13/9/2020, rue de la Régence. Voilà. Je lis aussi... qu'il y a des témoins choqués par ces arrestations, mais j'ai un trou là, j'arrive pas. Ben, voilà, de toute façon, je me retrouve ici devant vous. Vous avez écrit un petit texte de présentation, vous pouvez essayer de le redire, mais On va vous présenter un peu. Comment vous avez envie de vous présenter? Tu t'appelles comment? Donc, je m'appelle Benoît Boreux et j'ai été, en tout cas dans le cadre du collectif de la Régence et de la Santé en lutte, j'ai été une des personnes interpellées ce jour-là, rue de la Régence. Ouais, et toi, ici, alors? C'est un peu la même chose que Benoît, c'est-à-dire, effectivement, en fait, on s'est fait arrêter le 13 septembre 2020 suite à la manifestation organisée par la Santé en lutte. C'était la première grande manifestation après le déconfinement. Enfin, il y a eu la manifestation contre le racisme qui était aussi manifestation géante, mais c'était une manifestation de 5, 6, 7 000 personnes pacifiques auxquelles on a participé. Et on s'est fait arrêter sur le retour de cette manifestation, c'est-à-dire... Contre le racisme, là, tu parles? Non. Là, tu vois, on s'y perd du coup, ouais. Excuse-moi. C'était juste pour dire que c'était une manifestation d'ampleur. Et que c'était après toute cette période de confinement, en juin, au moment du déconfinement, il y a eu la grande manifestation contre le racisme, place Poulard. Et puis à la rentrée en septembre, il y a eu cette manifestation pour la santé, organisée par la Santé en lutte, de soutien aux soignants, pour le refinancement des soins publics, etc. Et c'est de cette manifestation dont on parle, et à l'issue de laquelle on s'est fait arrêter, Benoît, moi et 33 autres personnes. Ouais, et l'idée, en fait, c'est de vous rencontrer. Ça fait un an maintenant que ça s'est passé. Mais je pensais que derrière le collectif Rue de la Régence, vous étiez en action aujourd'hui encore, que vous continuez un petit peu à travailler cette sale histoire de violence policière. Et au fond, ça s'est un peu disloqué, quoi. C'est ça, ce collectif? Disons que... on a fait ce qu'on a pu, voilà, en fait, j'ai envie de le dire comme ça. On a fait ce qu'on a pu avec le contexte qui était celui d'un contexte Covid où c'était dur de manifester, dur d'aller à l'extérieur. On a essayé d'interpeller les élus, donc le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. Par rapport aux violences policières, on va rappeler les faits, mais c'était pour savoir qu'est-ce que ça en était aujourd'hui du collectif, en fait. Mais le collectif lui-même, aujourd'hui, il est un peu en silence et un peu en hibernation prolongée, à voir ce qu'on peut faire. Mais si on revient sur les faits, on peut voir que le collectif a vécu quand même et s'est battu quand même. Et donc, vous êtes des jeunes gens, là, en face de moi? La santé en lutte, aller manifester, c'est juste une petite parenthèse. Mais donc vous avez envie d'en être, quoi. Allez, on se bouge les fesses, on va manifester. Vous êtes impliqué dans la santé ou tout ça vous intéresse comme ça d'un point de vue global? Alors pour moi, c'est marrant cette manifestation de la santé en lutte. J'avais lu donc la lettre des médecins et je me sentais porté par leurs valeurs, mais j'y allais dans un autre but précis. C'était aussi la dernière grande manifestation que j'avais été pour les traités transatlantiques. J'avais été arrêté, interpellé également pour le fait d'y être. Et donc j'y allais un peu pour me réconcilier avec le fait de manifester. Pourquoi tu veux dire que t'es pas un gars qui va d'office directement aux manifs? C'est ça, si je comprends bien. Ouais, j'y vais pas directement, mais j'y vais par élan de solidarité. Notamment, beaucoup d'amis font des appels et je les suis. Et je les suis. Dans ce cas-là, je suis plutôt un suiveur qu'un meneur. Et là, j'y allais en me disant, allez, je vais faire une manif où ça va bien se passer pour moi. Et peut-être je serais plus à l'aise d'y retourner. Bon, ça n'a pas vraiment été le cas, puisque j'ai eu la même expérience, même plus dure que ce que j'ai vécu au traité transatlantique. C'est sûr, mais il y a la cause aussi, la santé en lutte. C'est important aussi, tout ce qui se passe par rapport à la santé, tout ce qu'on vit pour le moment, etc. C'est aussi une manière de comprendre dans quoi on joue, quoi. Oui, exactement. Enfin, aussi à la santé en lutte, j'y allais justement pour mieux comprendre, parce que je ne me rends pas toujours compte non plus des enjeux qu'il y a derrière. Et j'y vais vraiment par l'envie de m'informer aussi, clairement. Ouais. Voilà, c'est ça que ça sert aussi la manif, quoi, quelque part. Et toi, Benoît? Aurélien. C'est le contraire. Ouais. C'était sûr que c'était Benoît. Eh ben oui, moi j'y allais comme citoyen un peu. Vous avez deux voix incroyablement pas les mêmes quoi. T'en as un qui a une voix chaude, forte, naturellement. Et toi, t'as une petite. Oui, moi j'ai une petite voix. Ouais, mais j'y allais pour soutenir les soignants, pour protester contre le définancement continu des soins, la logique de management dans les hôpitaux et tout ce qui a finalement nourri la crise Covid durant le Covid et qui a affaibli les hôpitaux au moment où on en avait le plus besoin. Quoi. Mais quoi, tu es un habitué des manifs et tout ça ? J'y vais relativement souvent. J'y allais relativement souvent, ça on peut peut-être en parler, parce qu'on a été un peu traumatisés du coup par cette arrestation arbitraire qui fait qu'on hésite un peu à retourner en manif. Moi perso, je ne retourne plus dans les toutes petites manifs de 50-100 personnes. Je ne vais plus qu'au gros bazar où je sais que j'ai un peu... Et puis je me tiens un peu en retrait, mais l'effet d'intimidation fonctionne vraiment quand même. Mais pour revenir à la manif du 13 septembre, ouais, c'était une manif avec autorisée, avec 5-6 000 personnes. Moi, durant la journée, l'après-midi, c'était assez bon enfant, finalement, mais il y avait quand même pas mal de pression policière tout le long de la manif. Déjà, c'était un peu chelou pour une manif assez consensuelle. Enfin, je veux dire, on ne demandait pas la révolution. C'était refinancer les services publics de la santé, quoi. Et on se retrouve, moi je me rappelle, ouais, sur le Mont des Arts où elle avait lieu, en fait, il y avait de plus en plus de grabuges de CRS qui se montraient présents, de Robocop et tout. Et du coup, avec ma copine, on se dit, bon, on va se barrer, on va rentrer à la maison, on devait aller au cinéma le soir, ça commence à sentir mauvais, on y va, quoi. Et donc, quasiment tous les accès étaient fermés, sauf celui qui remontait vers la rue de la Régence. Et on descend la rue de la Régence en essayant d'attraper un bus. Et puis, on n'a pas les mêmes versions, Benoît, je pense, parce que toi, tu as vu des choses que je n'ai pas vues. Mais assez vite, la rue est bloquée aux deux extrémités. Et on se retrouve pris en étau, pris dans la nasse. Sans que vous compreniez pourquoi, parce qu'en fait, la manif, elle est normalement derrière vous, quoi. Vous rentrez dans la vie, quoi. Vous continuez à vivre, en fait, voilà, vous laissez la manif derrière vous. Et en fait, ce qui se passe, si je comprends bien, c'est qu'en fait, la manif est occupée à changer de cadre, quoi. Oui, non, il n'y a plus de manif, effectivement. On rentre chez nous, dans la rue, il y a des ex-manifestants qui rentrent chez eux aussi. Il y a des touristes, il y a des familles, il y a des gens qui attendent le tram. Il y a une rue, la vie. Et c'est cette rue qui se fait arrêter, en fait. Les flics chargent et arrêtent toute une rue, quoi. Je peux revenir sur la suite, mais je ne sais pas si toi, Benoît, tu voulais ajouter un truc. Non, là, pour... Et toi, Benoît, ça, c'est toi. Toi, t'es avec ta copine et ouais. Toi, tu... Alors moi, je vois aussi, aux alentours des Monts des Arts, je vois qu'il y a en tout cas un affrontement entre... manifestants et policiers qui commencent, et à ce moment-là je me dis ok, bon, moi je quitte, de toute façon c'est la fin, j'ai eu ce que je voulais, et je vais même mimer d'être, quand je vois qu'il y a du grabuge, je m'installe à une table à Mont des Arts et je fais semblant de boire un café comme si j'étais quelqu'un qui était pas dans la manif, et même dans ma tête je me dis mais qu'est-ce que tu fous, en fait t'as pas besoin de faire semblant de pas être dans la manifestation. Mais pourquoi tu fais ça là, je comprends pas. Mais parce que j'ai soudain pris peur, je me suis dit je veux Ah oui, tu vas trouver un, comment on dit ça, un alibi, genre je suis pas là. Je suis pas là, j'ai mimé. Ça a pas duré longtemps, mais je me suis pris conscience de ça, je dis c'est pas normal que je fasse ça, et du coup je suis parti en direction de la rue de la Régence, et même chose pour prendre un bus et rentrer chez moi en laissant la manifestation derrière. Et en fait, j'ai vu quelqu'un que je connaissais de vue se faire interpeller, du coup, par le commissaire Van der Smissen, juste avec une demande de papier. Et après, ça a duré peut-être moins d'une minute, et après, j'ai entendu cette personne crier à l'aide. Il a crié à l'aide, et là, il y a un mouvement de personnes, en tout cas, moi, quand j'entends à l'aide, mon regard, il est vers le secours. Et c'est de là que ça, tout est un peu... Il y a un gaz lacrymo qui est arrivé sur lui. Les gens n'ont pas compris pourquoi ce gars, il se faisait arrêter. Et puis là, tout était très vite. Il a été aidé ? Je veux dire, par là que... Il y a eu des violences, j'imagine. Des gens l'ont aidé ou bien il s'est laissé massacrer Les gens, donc le garçon qui a reçu le coup de lacrymo, il a été aidé par plutôt du soutien des gens de l'autre côté de la rue qui hurlent en disant « Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Il a rien fait !» Et effectivement, il ne faisait rien. Mais quand les gens commençaient un peu à s'insurger juste par du soutien en hurlant, ben c'est là que les voitures de police sont arrivées, que le commissaire Vandersmissen a également couru après des personnes qui voulaient partir dans le parc des sculptures parce qu'elles se sentaient en insécurité. Et nous, on s'est fait, comme Aurélien disait, en tout cas encerclés sur ce petit trottoir dans le parc des sculptures. Est-ce que vous vous connaissiez avant ? Non. Ah ouais, ça c'est super alors. Ah ouais, vous avez créé vraiment ce collectif en vous connaissant. Pas forcément quoi. Oui, on s'est rencontrés à cette occasion, en fait, malheureuse. On s'est rencontrés en prison, en garde à vue, en fait. Mais oui, juste pour préciser, au moment, je pense, où toi, tu es témoin de ce gazage par le commissaire Vandersmissen, moi, je suis en train d'essayer d'aller voir la barrière de CRS et leur dire « Pardon, je rentre chez moi, est-ce que vous pouvez me laisser passer ?» Ils venaient de laisser passer une famille avec une poussette, et moi, ils m'ont refusé, ils m'ont poussé. Et ils ont tout de suite dit « on pousse », et le cordon de CRS a commencé à avancer, donner des coups de bouclier, et commencer à agglutiner une trentaine, ou une quarantaine, ou une cinquantaine de personnes contre les barrières du parc aux sculptures. Mais il faut préciser qu'il n'y avait rien qui peut justifier en fait, que la charge policière agisse en fait. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien et qu'il faut bien souligner parce que... À mes yeux, il y avait représenté strictement aucune menace. Il n'y a rien qui justifiait ce déploiement démesuré de bloquer toute une rue et de charger toute une rue violemment et d'arrêter ensuite 35 personnes. Et il faut quand même préciser que dans notre malheur, on a quand même eu de la chance parce que trois autres personnes qui ont été arrêtées ce jour-là ont subi des violences qu'on a vues. Et se sont fait frapper par les policiers alors qu'elles représentaient aucune menace, se sont fait frapper durement. Mais comment vous avez vu ça ? Enfin, moi, j'en ai vu deux sur les trois, en tout cas. Un couple, une jeune femme en talons et en jupe. C'est passé à la télé sur LN24. Enfin, il y a des images qui ont circulé sur le web. On la voit se faire vraiment violenter. Des coups de matraque, des coups, on la prend au cou... et nous, on était en fait à 3 mètres. Donc ça se passe à l'extérieur, tout ça encore. Parce que moi, j'ai l'impression, comme tu me racontes, que ça se passe quand vous êtes enfermé à l'intérieur. Tout s'est fait dans la foulée, si tu veux. On était rue de la Régence, on s'est fait... je ne sais pas, ils appellent ça confiner, les flics. C'est marrant, ça, on a été confinés dans un coin. Et notre petit groupe agglutiné comme ça, on ne sait pas ce qui nous est arrivé, on ne sait pas ce qui va nous arriver... On voit, là-dessus, on voit une jeune fille surgir, poursuivie par les flics, qui la maltraite. C'est la fille que je parlais, qu'on voit sur une vidéo, toute fine comme ça, c'est vraiment... Je croyais qu'elle allait être là, parce que c'est quand même intéressant d'entendre comment la violence vous tombe dessus et que vous comprenez rien, quoi. Et en plus, vous faites pas le poids. C'est ça, on lui a proposé, mais elle s'est pas manifestée. Et je crois que c'est son compagnon qui essaie de venir voir ce qui se passe. Et lui aussi, il se fait bastonner. On lui met un genou. Il se retrouve à terre. On lui met un genou sur le cou. Des images assez... Enfin, ça redouble notre traumatisme, en fait, de voir. On subit un peu de la violence policière. Puis on en voit une très grosse sous nos yeux. Et vous, qu'est-ce que vous avez vécu ? Vous étiez dans un coin ? Vous aviez des colsons ? Alors, si mes souvenirs sont bons... On nous met dans un coin, on a été bousculés, quoi, avec des coups de bouclier, certains ont reçu des coups de matraque, certains ont des hématomes, etc. Pas moi personnellement, mais d'autres du groupe, d'autres des gens arrêtés. On nous annonce d'une manière bizarre, il y a une espèce de 5 minutes de flottement, on ne sait pas si on est arrêté, on ne sait pas si on est contrôlé, on ne sait pas ce qui va se passer. Le commissaire Vandersmissen arrive, un peu l'air rigolard, il plaisante... Il dit « Ah ben zut alors, je fais une bavure ». Voilà, un truc complètement déplacé, en fait. Je ne sais pas, le minimum, ce serait qu'il nous annonce clairement ce qui nous arrive, pourquoi. Alors, on ne sait rien. Et tout d'un coup, il dit, bon, on va vous contrôler. Non, en fait, on va vous contrôler ailleurs. On va vous emmener aux casernes d'Etterbeek pour vous contrôler. Donc là, on comprend par déduction qu'on est emmené en garde à vue. Il n'y a personne qui lâche dans le groupe. Pourquoi ? Il y avait quelqu'un qui gueule. Qu'est-ce qu'on l'a fait, quoi ? C'est quoi le motif ? Il y a eu effectivement beaucoup de pourquoi. Et dans cette bonhomie qu'il a à ce moment-là, le commissaire d'Andersmissen, il dit, oh ben, mauvais endroit, mauvais moment. Donc juste ça, mais dans, totalement détendu et à l'aise avec ce qui se passe en fait. Et pour revenir aussi à moi, ce que j'ai vu, j'ai notamment vu cette jeune dame en tout cas se faire avoir de la violence policière et mon regard était vraiment braqué dessus. Et là, un des policiers voyait que je regardais, je ne filmais pas. Mais a pris sa matraque, a tapé au sol et il m'a demandé de pas regarder, quoi. Enfin, il m'a hurlé dessus en me disant « tu regardes pas ». Et donc, avec sa matraque et tout, effectivement, j'ai regardé le sol. Et tout en étant encore concentré au niveau de l'audition. Et en fait, il nous a tous retournés, en fait. Il nous a tous retournés et on ne regardait plus la rue. Pour pas voir, quoi. Ouais, on était dos. Pour pas voir. Il y avait un truc d'intimidation énorme. Ils ont sorti les chiens, vous aboyez les chiens dessus. On était houspillés. Puis je sais plus, il y a aussi pas mal de réflexions du style si vous vouliez pas être arrêté, fallait pas venir manifester. Ou clairement, c'était ciblé le fait d'avoir manifesté aujourd'hui. Et apparemment, après, dans les articles de presse, ils sont revenus plusieurs fois sur le truc un peu entre guillemets anti-gauchiste, quoi. Ils voulaient les apparemment la police était peut-être motivée par casser du gauchiste, ou je sais pas comment dire, quoi. Oui, mais ça justifie rien, hein. C'est pas ce qu'on explique, ça justifie quoi que ce soit, tu vois, c'est ça qui est dingue. Il finit même pas comme gauchiste. Et puis dans les arrêtés, comme je t'ai dit, il y avait d'anciens manifestants, enfin des gens qui ont participé à la manif, et puis des gens rien à voir, des gens qui attendaient le tram, il y a tout un groupe de mineurs qui a été arrêté aussi, des enfants, enfin des jeunes ados qui ont été arrêtés, dont les parents n'ont pas été prévenus, qui sont restés en garde à vue sans que les parents soient jamais prévenus, qui ont été relâchés au hasard dans la ville. Quoi, ça, c'est les 30 personnes, c'est ça ? Ouais. Des 30 personnes, c'est tout ce dont tu expliques. Dans le groupe des... Je crois 35 personnes arrêtées au total. Et dans le groupe des 35 personnes, il y a les 3 personnes qui ont été violentées et qui ont elles-mêmes été accusées ensuite de rébellion, donc qui ont été arrêtées judiciairement et qui sont sous le coup d'une procédure judiciaire à ce stade qui est pas encore, qui est en cours. Il y a eu 32 arrestations administratives dont Benoît et moi avons fait partie et dont aussi on fait partie, je dirais 7-8 mineurs et puis des badauds et autres, et des manifestants, des anciens manifestants. Et quoi, et de ce collectif que vous avez créé, vous n'avez pas eu envie de prendre toutes les personnes là ? Comment ça s'est fait, votre collectif ? C'est après coup que vous vous êtes dit... Parce que ça aurait été intéressant d'entendre une personne qui n'a rien à voir, là, qui n'était même pas à la manif, quoi, qui se fait embarquer, et de vous mettre vraiment tous ensemble pour avoir une justification. Quoi. Mais... Bah, le groupe, le collectif, il s'est constitué... Donc, il faut se souvenir, c'était quand même à l'époque Covid, donc les gens, c'était dur de se voir. On a échangé quelques numéros de téléphone au sortir de la garde à vue. Combien de temps, la garde à vue ? Arrêté à 16h. Moi, j'étais relâché à 19h, je pense. Oh, ça va. J'étais relâché en même temps que toi, puisque on s'est retrouvés par Vite Saint-Gilles après pour boire un café, justement. on débriefait un peu sur ce qui nous était arrivé. Puis, justement, échanger les contacts pour se dire, on voit ce qu'on fait par la suite, parce qu'on trouvait tous que c'était pas normal. Et après, il y a eu plein de témoignages publiés sur les réseaux, sur Facebook notamment, et de proche en proche, on a réussi à réunir une douzaine ou une quinzaine de gens qui avaient été, soit qui avaient été pris, arrêtés, soit qui avaient été témoins des événements. Et donc, on a décidé de ne pas en rester là et de voir ce qu'on pouvait faire pour protester, pour dire que c'était pas normal, tout simplement. Et donc, là où c'était compliqué, c'était l'époque Covid, confinement, donc on communiquait vraiment sur un fil WhatsApp, donc c'est fastidieux comme mode de communication. Et ça a pu freiner un peu nos élans. Mais on a quand même pris contact avec, par exemple, la Ligue des droits humains, qui nous a apporté un grand support, avec la Santé en lutte aussi, qui trouvait vraiment pas ça normal que des gens qui viennent manifester pour la santé soient menacés, enfin soient violentés par la police. C'est quoi le support qu'ils ont apporté ? Déjà un soutien moral, c'est déjà pas mal, enfin c'est déjà beaucoup. Et puis concrètement, ils ont quand même organisé une cagnotte de solidarité pour financer les frais de justice des gens attaqués judiciairement et les frais de santé éventuels des gens blessés. Donc concrètement, il y a eu ça et puis un soutien moral et un peu... Alors quand on a fait l'interpellation... Donc on a interpellé le bourgmestre de Bruxelles parce qu'il est responsable, il est chef de la police de son territoire. Et c'est sur son territoire que les faits sont arrivés. On a essayé de l'interpeller, une interpellation citoyenne, c'est une démarche légale, dans le cadre démocratique, etc., qui a été malheureusement refusée par le bourgmestre. Donc on n'a pas pu l'interroger, poser nos questions sur pourquoi on a été arrêté. Et toutes les zones d'ombre de l'affaire. Et donc refus de parler, quoi, de communiquer là-dessus. Voilà, il y a. Donc on a organisé une lecture symbolique de notre interpellation devant la commune de Bruxelles. Et là, la Santé en lutte nous a un peu aidé logistiquement, nous a donné des conseils pour organiser ce rassemblement. Et puis on a aussi essayé de solliciter la presse pour raconter notre histoire. Et on a eu quelques articles qui venaient contredire la version policière du. Ils ont voulu reconstituer une manifestation, ils ont voulu reconstituer un cortège. C'était ça la version officielle, c'est pour ça qu'on a arrêté 35 personnes. Et c'est ce que les médias, dans un premier temps, ont repris. Ce qui rend assez fou, hein, quand ça vient de t'arriver, tu lis dans la presse que t'as fait un truc que t'as pas fait, en fait. Et ben ça rend ma boule, hein, je peux te dire. Et du coup, c'était important pour nous qu'il y ait une parole publique qui rétablisse les faits, à nos yeux, notre version, ce qui nous était arrivé. Quoi. T'as envie de rajouter quelque chose sur tout ça ? Non, pas spécialement. En tout cas, ici, moi, j'ai senti effectivement ce que j'ai perçu, c'est oui, du soutien, beaucoup de soutien. Et c'est de ça, moi, en tout cas, que j'avais besoin. C'est là aussi que j'avais pas envie de vivre cette chose-là toute seule. C'est pour ça qu'être dans le collectif, ça me faisait aussi du bien. Et ouais, c'était... C'était surtout pour ça, quoi, ouais. Et maintenant, la question, je trouve que c'est la question. Enfin, moi, je trouve que c'est la question avant ça, hein, avant que ça arrive, avant que vous voyez vraiment cette violence comme ça, gratuite, quoi. Est-ce que vous étiez conscient de ce monde dans lequel on est, où il y a cette violence policière qui est là, je pense aussi dans certains quartiers. Vous êtes jeune, hein ? Même si toi, tu as un peu les cheveux gris, tu es peut-être un... j'avais envie d'entendre ce que vous aviez à dire là-dessus. Tiens, est-ce que ça a changé votre regard, même votre perception de la vie, quoi ? J'exagère peut-être, mais voilà. Oui, ben, effectivement, ça m'arrive... Enfin, dans moi, mon quotidien, ma vie, ça m'arrive... Ça m'arrive très peu, je veux dire, la violence policière... Mais la violence tout court, déjà, ouais, la violence non tout, ouais, déjà, la violence tout court, ouais, effectivement, la violence tout court, là où la violence policière, j'en ai toujours été témoin, et de très loin, par des faits que des personnes me racontent, par la télévision, donc je m'en sens quand même pas détaché, mais que ça ne me... C'est ouais, ça reste... Ça te touche pas, quoi, ouais, en fait, ça te touche pas. Non. Et de là, effectivement, le vivre, et encore, je me dis, en fait, c'est bizarre, je me dis, c'est encore cool ce que j'ai vécu. Mais parce que mon regard était un peu plus, après l'avoir vécu, j'ai un peu plus vu ailleurs, ou me renseigner un peu ailleurs où ça se passait. Et j'ai vu des vidéos, maintenant, les vidéos me touchent plus, l'ayant un peu plus vécu. Donc, ouais. Ouais, c'est parce qu'on a une drôle de race, nous, les humains. Il faudrait que ça nous arrive pour que ça nous touche, que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est quand même dingue, ça, non ? Toi, c'est la même question. Ouais, tout à fait. Moi, c'est un peu le même ressenti que Benoît, c'est-à-dire j'en avais une connaissance, ça me révoltait de manière un peu... Enfin, je le voyais aussi dans les médias et je trouvais ça révoltant, etc. Mais à partir du moment où ça m'est arrivé, et de voir le silence des médias, le fait qu'on n'est pas toujours cru, on n'est pas toujours reconnu par les instances, la commune de Bruxelles qui refuse même d'en parler, d'en débattre. Une dizaine, on a porté plainte au comité P, donc l'espèce de police des polices en Belgique. La plainte a été reçue, transmise au parquet, mais finalement classée sans suite. Donc il y a une espèce de truc, ça fonctionne pas leur truc, quoi. Ça marche pas leur... Si, ça marche bien, justement. Ou alors ça... Qu'est-ce qui marche pas ? De quoi tu parles ? C'est encore plus flippant, ça marche trop bien, et ça réussit à enterrer les affaires et tous les débordements policiers, quoi. Oui, parce qu'en plus, ça coûte de l'argent, ça. Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, avoir un avocat, que les choses soient claires, élucidées, ça coûte de l'argent, quoi. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie mentale, quoi. C'est aussi flippant d'aller contester la police, contester l'autorité, même si on a l'impression d'être dans son bon droit, mais on marche contre le vent, quoi. Je me rappelle plus le début de ta question. Mais... Oui, c'est de prendre conscience, au fond, de cette réalité-là, de cette violence policière. Dans certains quartiers, vous savez qu'il y a des jeunes qui meurent suite à des poursuites, suite à des... Comment on dit ça des bavures. Oui, tout à fait. Moi, ce que je dis beaucoup depuis, c'est que oui, certes, dans l'absolu, comparé à ces cas-là où il y a des morts, des blessés graves, etc., c'est pas grand-chose, même si c'est pas anodin ce qui nous est arrivé, je pense que c'est quand même quelque chose de bizarre démocratiquement d'aller à une manif et d'être arrêté sur le retour de cette manif. Et juste pour finir, je pense ce qui nous est arrivé, cette injustice, le blackout des médias, ça me met vraiment en empathie par rapport justement à des jeunes de quartier, à des gens qui seraient racisés, à qui ça arrive toutes les semaines, quoi, ou tous les trois jours, quoi. Et je me dis comment ils font, quoi, comment ils peuvent supporter ce degré-là et cette répétition-là, parce que moi, juste une après-midi, ça a été traumatisant, quoi. Ça a été dur. Oui, et vous peut-être, on peut prendre conscience de ça, vous pouvez prendre conscience de ça, on peut en parler, c'est peut-être vous venez aussi de milieux un peu plus privilégiés, peut-être, où la violence n'est pas comme ça, vous n'avez pas grandi là-dedans, vous n'avez pas dû vous démener par vous-même, même si on doit toujours un peu se démener par soi-même, mais je veux dire, vous avez été bien encadré, plus jeune, etc., vous voyez, et du coup, oui, cette violence policière, là, on peut philosopher, on peut un peu, vous voyez, on sort pour comprendre les choses, quoi. Et moi, je le répète, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il faudrait que ça nous arrive, il faudrait qu'on te foute deux baffes, c'est une image, pour que tu comprennes que ça ne va pas te foutre deux baffes à quelqu'un. C'est quand même, on est quand même des drôles de bêtes, non? Ça vous... j'ai retenu une phrase d'Aurélien qui l'a dit, ça me met en empathie. Voilà ce que ça me fait, réellement. Oui. Ouais. Il dit, ça le met en empathie, mais hors micro, il dit aussi qu'il n'ira plus en manifestation, en tout cas que ça lui fait un drôle d'effet de se retrouver en manifestation. Ouais, je le dis aussi au micro, hein, j'ai pas de problème avec ça. C'est l'effet d'intimidation, quoi. Oui, mais moi, je dis hors micro, c'est pas comme si tu le disais caché, hein, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on n'en a pas parlé encore là, maintenant. Oui. Mais cet effet d'intimidation fonctionne, quoi. Mais oui. Et la Ligue des droits humains avait... Moi, j'ai découvert qu'ils avaient étudié le phénomène. Et ça s'appelle le chilling effect, donc l'effet d'intimidation. Et c'est un truc qui est dénoncé par les Ligues des droits humains en Europe. Comment les polices font que des gens n'osent plus aller manifester, quoi. Et c'est quand même assez grave. Et ça marche. Moi, j'avais entendu. C'est ça qui est flippant, c'est que ça marche même moi, alors que je suis assez impliqué, que je trouve c'est important d'aller aux manifestations. Et j'y réfléchis à deux fois. Moi, j'avais entendu un témoignage d'une femme durant la période des Gilets jaunes et qui expliquait comme elle a jamais de sa vie est allée manifester. Elle est allée la soutenir. Elle faisait rien de spécial. Elle a été attrapée par la police. Elle a dû dormir la nuit au commissariat. Ils lui ont fait une vie d'enfer. Elle a dit « Plus jamais j'irai manifester ». Donc ça marche, leur truc. Hein. C'est vraiment ça le but, on dirait. Hein. Mais ça, ils ne peuvent, peuvent pas le dire tout haut, évidemment. Puisque la manifestation est un droit, en fait. On a le droit d'aller dans la rue, dire qu'on n'est pas d'accord. C'est ça, hein. Ouais. Mais moi, ça fait penser... quand j'ai eu ma fouille, ça, c'était assez dingue. Donc, le policier qui me fouille prend ma carte d'identité et a l'air étonné. Et il me dit... Parce qu'il voit que je suis né en 1989. Et il me dit... t'as vu ton âge? Et après, je dis, qu'est-ce qu'il y a avec mon âge? Ben, il me dit, t'es pas un peu grand pour ces conneries. Et après, je dis, quelle connerie? Je dis, enfin, le fait d'aller manifester. Puis, je dis, non, je pense pas, non. Enfin, je suis sûr, non. Et il me dit, bah, regarde où t'en es maintenant. Donc, en garde à vue avec lui. Et donc là, je me dis, bon, ouais. Enfin, voilà, je me suis tué parce que j'ai compris, ok, tu veux m'intimider. Là, en l'occurrence, ça ne m'a pas vraiment intimidé, mais je me dis... T'es pas un bagarreur, hein, toi? Non, non, non. T'es plutôt un sensible comme ça et... Oui, en tout cas, qui est plutôt dans la compréhension. Et si je suis un bagarreur, c'est par défense, on va dire. C'est qu'il y a vraiment un souci et que je me mets en sécurité, même s'il faut en arriver à les violences, c'est pour des raisons de sécurité et que je n'ai pas d'autre choix, quoi. Mm. Ouais. Ouais, puis j'imagine que devant un policier, on réfléchit quand même à 1000 fois. Si on n'est pas un impulsif, ouais. Quoi. Même si je sens la colère qui tombe et que j'avais juste envie de souffler, dire « connard ». Ouais, bah, je ne l'ai pas dit, effectivement, parce que je l'ai contenu. Je me dis « ouais, voilà ouais. ». Et toi, la violence, Aurélien, t'es pas quelqu'un de violent, t'as pas les nerfs, ou ça va avec tout ça, quoi. Tu peux ravaler. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, je ne suis pas un violent. Et même en manif, je me tiens en général en retrait. Enfin, je suis là, mais je ne vais pas au-devant en cortège de tête ou je ne sais pas. Donc, et encore une fois, moi, je quittais la manif parce qu'il commençait à y avoir des tensions. Donc, je ne voulais pas être dans les tensions. Ça me faisait chier, quoi. Je voulais rentrer chez moi. Et paradoxalement, j'ai été pris dans le truc en voulant éviter ça. Mais je voulais juste préciser quand même que ce jour-là, il s'est quand même passé plein de trucs super bizarres. Et j'ai l'impression, du coup, maintenant, effectivement, quand je regarde les autres, ça se reproduit encore. C'est pas arrivé qu'à nous, ça arrivera encore, etc. Et apparemment, il y a plein de trucs super chelous, mais. Quoi, tu veux dire, ça continue les violences policières, c'est mais ça? Non, mais au moment où ça se passe, où nous on se fait arrêter, enfin. Les mineurs, ils se font fouiller dans la rue. Il y en a un qui se retrouve en caleçon. Enfin, il y a des petites humiliations comme ça. La jeune fille qui se fait arrêter, elle est métisse. Apparemment, elle se faisait appeler la Jackson 5 dans le camion. Il lui touche les cheveux. Il y a des petits trucs de racisme. Ma copine, qui est d'origine iranienne aussi, elle ne comprend pas un ordre d'un policier qui lui demandait d'écarter les jambes pendant la fouille. Et elle dit « Pardon, je ne comprends pas ». Elle dit « Mais pourtant, c'est clair, je parle français, tu ne parles pas français ». Il lui donne un coup de pied pour lui écarter les jambes. Et puis, il y a aussi l'affaire dans l'affaire. Il y a les journalistes qui sont intéressés à notre cas, qui ont découvert qu'au moment de l'arrestation, se trouvait sur place un photographe de presse, un ami du commissaire Van der Smissen. Il se trouve que c'était un ami du commissaire Van der Smissen qui est là pour faire des photos pour la police, pour le compte de la police en action, genre. Et il se trouve qu'il porte une bombe lacrymogène ou un pepper spray, je ne sais pas trop, mais un gaz irritant, une bombe à gaz irritant que seule la police et les militaires sont autorisés à porter en Belgique. Lui, il n'est ni policier ni militaire, il est photographe. Et il a cette bombe et il s'en sert. Et il s'en sert contre, je ne sais plus lequel, contre un des manifestants qui a été violenté. Un journaliste se sert de cette bombe sur les gens. Un photographe rattaché à la police, attaché de presse de la police, je ne sais pas comment le décrire, se croit autorisé et autorisé, parce que le commissaire Van der Smissen, on le voit, c'est filmé. Hein. On le voit sur les images, il fait un petit geste du genre « Ouh, cache la bombe, faut éviter », mais il n'est pas arrêté, alors qu'il vient de faire un truc illégal, totalement illégal. Et ça a justifié l'écartement du commissaire Van der Smissen du maintien de l'ordre des manifestations à Bruxelles. Alors, pendant combien de temps ? Jusqu'à ce jour, à ma connaissance, il a été muté dans un autre service, je ne sais pas lequel. Après, ce qui n'empêche pas... Parce que pendant longtemps, on s'est dit, commissaire Van der Smissen, il est quand même un peu... Il cherche un peu à provoquer les... Un peu pompier pyromane, quoi. Il cherche un peu à provoquer les manifestants pour que se produise quelque chose qui justifie des violences et des arrestations. Et du coup, à un moment, on se dit ça, c'est bien qu'il soit écarté. Puis en fait, par la suite, il y a eu d'autres manifs, d'autres arrestations arbitraires, d'autres tout ça. Mais en fait, non, c'est pas le commissaire Van der Smissen en tant que tel. C'est plus un mode de fonctionnement, un système global qu'il faut corriger en Belgique, clairement, et qui nuit à la fois à des gens qui veulent manifester et à la fois qui harcèle des jeunes dans les quartiers qui juste vivent et tentent de vivre dans ces quartiers-là. Quoi. J'ai vu qu'il y avait aussi le délégué des droits de l'enfant concernant les mineurs qui avait été interpellé. Vous êtes au courant, pas plus que ça, non ? Ah si, si, oui, ouais, bien sûr. Comme je te disais tantôt, il y a un groupe de mineurs qui a été arrêté. Dont les parents, enfin, c'est totalement illégal hein, de ne pas prévenir les parents que leur enfant vienne d'être arrêté et de les relâcher dans la rue au hasard dans la rue à Bruxelles. Quoi. Et du coup, il y a des parents de ces ados qui ont sollicité Bernard De Vos, qui est le délégué général aux droits de l'enfant, et qui a lui-même fait un courrier interpellé le bourgmestre Philippe Claus, le bourgmestre de Bruxelles, à ce sujet. Mais voilà. À ce stade, je ne sais pas quelle réponse. Je ne crois pas qu'il ait reçu une réponse spécifique de Philippe Claus. Et les choses en sont un peu restées là, puisque toutes les plaintes au comité P qu'on a versées, y compris certains mineurs, ont été classées sans suite, déclarées par le parquet, qui a déclaré qu'il manquait de preuves. Voilà. Bah donc voilà, hein. C'est classé sans suite. Une affaire encore de plus. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec les tensions qui montent je ne sais pas comment voyez-vous les choses. C'est insécurisant un peu aussi tout ça, hein, de se dire que la police, en fait, elle ne nous protège pas, en fond. C'est ça aussi, peut-être vous avez cru ça aussi longtemps, que la police vous protégeait. Bah, j'ai toujours... oui. Toujours pensé qu'il y avait quand même un problème systémique avec la police, mais quand ça t'arrive effectivement te faire agresser par ceux qui sont censés assurer ta sécurité, c'est très troublant et ça casse un peu pas mal de repères de valeurs qu'il y avait quand même mine de rien. Et puis ensuite, le processus judiciaire qui marche pas, enfin à mes yeux qui marche pas, ça aussi ça te fait réaliser ce qu'on dit c'est vrai en fait. Les médias qui racontent n'importe quoi, en tout cas les médias classiques. Exactement, les médias qui déforment tout, ou qui n'en parlent pas, tout simplement. Ça va, t'es pas trop déprimé, non. T'avais déjà quand même des petites bribes de lucidité sur le monde dans lequel on était, ou pas du tout ? Si, si, je m'en doutais, mais quand ça t'arrive, c'est un autre niveau, en fait. C'est un autre niveau, effectivement, comme Benoît disait, quand je vois des cas... J'ai plus tendance à croire directement les gens qui rapportent ça, à croire leur version. Et je trouve que c'est hyper important de croire et soutenir la version des gens, parce qu'on a parfois tendance à dire « Ah, peut-être qu'il exagère un peu, ou qu'il présente les choses, qu'il enjolive un peu. » Non, non, non, pas du tout. Je pense que la plupart du temps, les gens traumatisés et victimes disent la vérité. Oui, c'est sûr, mais il faut continuer à rester critique. Ça veut dire que si tu écoutes quelqu'un, tu l'écoutes. Si tu fais un travail pour essayer de savoir la vérité, tu devras faire une enquête, quoi. Je crois qu'il faut continuer à rester critique sur ce qui se passe. J'entends ce que tu dis, mais ouais, non, il faut continuer à pas croire tout, n'importe quoi, sous couvert qu'en fait, on est dans le n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même tenir bon à essayer de chercher la vérité, parce que sinon, tout le monde peut dire n'importe quoi. Non, bien sûr, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une méfiance a priori de la parole des victimes de violences policières, notamment dans les quartiers, qui fait qu'ils sont pas écoutés et c'est d'une violence terrible en fait quand t'as vécu les événements et qu'on te dit que c'est pas grand chose ou que ça a pas existé ou que c'est pas ce que tu penses. Enfin, y a un truc qui redouble ce qui t'est arrivé. C'est une double peine, quoi. Que dire, que conclure sur tout ça, sur cette sale histoire ? Ouais, qui avait quand même fait un peu parler d'elle, hein. Un peu sur les réseaux sociaux quand même, il y avait pas mal d'articles qui relayaient un peu tout ça. Oui, le mois et demi. Surtout avec les mineurs, je crois. Ce qui a choqué l'opinion publique, c'est beaucoup les mineurs, quoi. Comment c'était possible, etc. Ça, le photographe, en fait, finalement, c'est vrai qu'on a retenu beaucoup, bah, ce qui est totalement scandaleux. Ce photographe de presse qui n'a pas de droit, qui n'est toujours pas puni, à ma connaissance, hein, pour ça. Mais en même temps, c'est toute l'arrestation au complet qui, pour moi, est scandaleuse, une arrestation arbitraire. Et voilà, quoi. Du coup, quand conclure... Quoi, ça fait un an. Ça fait un an de tout ça. Comment vous voyez le futur par rapport à ce collectif, par exemple ? Après, ça, c'est tout le truc des collectifs militants qui peuvent... surtout, comme je te dis, ça a été dur, c'était pendant l'époque du Covid, etc. C'est épuisant aussi de mener une lutte et de faire valoir ses droits. Et on a fait ce qu'on a pu, on a porté plainte au comité P, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. Et donc, je ne sais pas, Benoît, ce que tu en penses, mais même si on peut être déçu ou un peu amer par rapport au fait que on n'a pas eu gain de cause, c'était quand même mieux de le faire que de ne pas le faire. Ah ouais. Oui, clairement. Enfin, moi, j'étais... Bon, en tout cas, ce collectif, il m'a fait du bien le moment où ça s'est fait. Et donc, enfin, si je pense qu'à ma personne, après, le fait qu'il soit moins actif maintenant... C'est OK pour moi. C'était surtout un besoin dans ce moment-là, dans le mois qui a suivi, le mois et demi qui a suivi. Je parle souvent de soutien et c'est ça que j'avais vraiment besoin, et d'apporter mon soutien aux autres, d'avoir le soutien des autres. C'était à ce moment-là que je voulais que l'affaire, elle soit encore entendue. Et c'est pas que j'ai pas envie que maintenant elle le soit plus, sinon je serais pas ici. Mais en tout cas, c'est OK pour moi que le collectif... pour le moment, c'est un peu, ouais, ce soit plus trop alimenté, on va dire. Mais... Bah, il a eu, si je comprends bien, il a eu sa raison d'être, ouais, quoi. Voilà. Après, quand même, justement, les trois inculpés judiciairement pour rébellion et qui ont eux-mêmes porté plainte. Alors, je me rappelle plus l'appellation exacte, mais ils ont porté plainte contre la police pour leur arrestation abusive et les violences qu'ils ont subies. Ils vont passer en procès à un moment ou à un autre. Donc, ce serait intéressant qu'on se tienne au courant pour que j'aille voir. Mais quand on parle de rébellion, c'est pas vrai, évidemment. Ah non, bah ça c'est la Ligue des droits humains nous disait que c'était une stratégie policière pour anticiper la plainte. Donc avant que les victimes de violences policières portent plainte, on les accuse de rébellion. Comme ça, on avait une bonne raison de leur faire subir les violences. Donc ça va encore être traité judiciairement. C'est quand ? Alors non, il n'y a pas de date, ça peut mettre très longtemps, hein. Ces cas-là à être traités. Mais en tout cas, oui, peut-être qu'à cette occasion-là, on sera amené à reformer le collectif, ou en tout cas à agir, à soutenir les gens qui se sont fait arrêter avec violence, dont on a été témoin. Peut-être on sera amené à témoigner nous-mêmes au procès, je ne sais pas. Ouais, c'est intéressant d'avoir un retour de quand les gens... si je comprends bien, c'est les trois... personnes qui ont été vraiment violentées super fort, qui ont déposé plainte, quoi. C'est leur initiative, quoi. C'est ça, hein ? Ouais, elles se sont réunies, elles ont trouvé un avocat, et donc voilà, ouais. Donc nous, si tu veux, je veux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, on a un peu pu ravaler le truc, et que même si ça laisse des traces, pas aller en manif, méfiance des institutions, on va dire. Pour nous, c'est un peu fini, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas un procès au cul, quoi. Les trois autres, ils sont encore dans l'histoire, quoi. Enfin, le plus gros reste à venir quelque part pour eux. Allez, une dernière. Il y a 45 minutes, on y est. Une petite dernière. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir des gens comme ça, on ne se connaît pas. Comment vous voyez la santé en lutte, par exemple, hein ? Donc c'est un mouvement qui a vraiment été dans la rue, qui revendiquait même avant le Covid, même avant le confinement, il faut se bouger les fesses parce que le secteur de la santé. Comment vous voyez les choses dans le futur? Puisque vous avez participé à une manif, en fait, qui s'est mal terminée pour vous. Comment vous percevez, ça peut être même plus philosophique, hein, comment vous voyez dans le monde comme ça, avec cette incertitude, avec cette violence, avec est-ce que vous êtes bien, pas bien? Est-ce que vous comprenez dans quoi vous êtes C'est quoi votre ressenti par rapport à ça, quoi? Positif, tu dis? A priori non, sur la question de la santé, il n'y a pas de quoi être optimiste en fait. En Belgique, en Europe, les systèmes de soins, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ce que la crise a révélé de besoin de refinancer l'hôpital, d'être dans une logique de soins et pas de vente de soins, de choses comme ça. Tout ce pourquoi un collectif comme la Santé en lutte se bat, on en est loin. On va dans la logique complètement inverse. On va dans la privatisation, la suppression des lits d'hôpitaux, etc. Et je vois, c'est seulement en se battant que la vapeur pourra être inversée, quoi. Ah ouais, t'as conscience de ça, que c'est quand même en se battant que les choses peuvent bouger, parce que sinon elles continuent à ronronner là en ce moment. C'est plutôt le système ultra-libéral qui domine un peu, hein, un peu beaucoup d'ailleurs. Oui, mais si même une crise comme le Covid ne change pas la donne, qu'est-ce qui peut changer la donne à part des gens qui disent non, quoi? Ouais, des gens, en plus, pas simplement qu'ils disent non, puisque des gens qui disent simplement non gentiment, on les emmerde et on les choque et on leur fait... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est... Comment j'avais envie d'avoir votre regard comme ça sur les choses, Benoît? Ouais. Non, mais là j'étais en train de réfléchir, encore sur. Au final, je ne ferai que me répéter sur en tout cas, la façon dont moi je vois les manifs, c'est que par exemple, pour ce qui est la question de la santé, j'y réfléchis pas vraiment. Enfin, pour moi, apparemment, ça se passe bien. Je regarde pas un peu l'envers du décor et que. Si j'ai envie d'un peu de m'insurger ou d'être pas d'accord, je dois être informé. Et moi, la santé en lutte, même si au final je ne me suis pas consacré, parce qu'il m'est arrivé un autre fait dans lequel j'ai donné mon énergie, qui était plutôt la violence policière, en tout cas, j'invite à continuer à faire des manifestations pour un besoin, parce qu'apparemment, moi, qui est de, en tout cas, j'en cite qu'un seul, qui est d'être informé réellement. Voilà. Merci à vous deux. Merci à toi. Ça va, vous avez tout dit? Pas envie de rajouter à quelque chose? Ça va, je me sens bien, ouais. Ça va, tu te sens bien? Ouais. Pour moi, c'est... Ok.